Les Electric Days arrivent chez Citroën et vous n'étiez pas au courant? What? Non mais mégawatt! Parce qu'entre C0, Imerari et Berlingot électrique, c'est le coup de foudre assuré. Alors maintenant, on fonce chez Citroën! Pendant les Electric Days du 1er au 30 avril, profitez d'offres exceptionnelles sur toute la gamme 100% électrique Citroën à partir de 89€ par mois. Location longue durée 36 mois 20 000 km d'une Citroën C0 neuve après un premier loyer de 3 590€. Bonus écologique et 2 500€ de prime à la conversion déduit sur conditions de reprise. Offre valable jusqu'au 30 avril 2018 dans le réseau Citroën participant réservé aux particuliers. Détails sur citroën.fr. Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui Des proches, l'écriveur, une émission proposée par Christophe Barrer, écrite par Charif Gattaz, réalisée par Pascal Deux. Pierre Desproges, humoriste français réputé pour son humour noir, son anticonformisme et son sens de l'absurde, est mort le 18 avril 1988 à Paris. D'abord journaliste à l'Aurore, puis à la télé sur TF1 dans l'émission de Jacques Martin, le petit rapporteur, à la radio et ensuite le producteur fantasque du tribunal des flagrants délires sur France Inter. Auteur de spectacles, il a aussi présenté l'émission humoristique La Minute Nécessaire de Monsieur Cyclopède sur France 3. Voilà pour le portrait officiel, mais un peu convenu pour quelqu'un comme Desproges, non? Alors, penchons-nous sur l'obsession desprogienne. L'humour, son humour, la provocation, disait Bertolt Brecht, est une façon de remettre la réalité sur les pieds. Pierre Desproges rajoutait dans une interview à l'événement du jeudi en octobre 86, « L'humour, c'est le droit d'être imprudent, d'avoir le courage de déplaire, la permission absolue d'être imprudent. » Franc-tireur, Pierre Desproges aura consciencieusement dégommé tous les notables et arrivistes de son temps, ceux que la notoriété grisée rendait insupportables, tous ces donneurs de leçons et inventeurs de théories vides qui n'étaient à ses yeux que des prétentieux. Et pas seulement, Desproges riait aussi de ceux qu'il aimait. Non content de moquer ses têtes de turc favorites, Bernard-Henri Lévy ou Marguerite Duras, qu'il n'a pas écrit que des conneries, ajoutait-il. Elle en a aussi filmé. Il ajoutait à sa liste Montand, Ragon, Sartre et Lacan. Il s'en prenait aussi aux éminences grises dans des devinettes que lui seul pouvait poser, par exemple. Parmi ces quatre mots, chasser l'intrus, métastase, Schwarzenberg, chimiothérapie, avenir. Bien, mais faut-il et peut-on rire de tout? À cette question essentielle, Desproges avait trouvé la réponse dans l'émission Le Tribunal des flagrants délires sur France Inter. Ce jour-là, l'invité était Jean-Marie Le Pen et le réquisitoire du procureur Desproges fut sans appel. J'aime bien rire de tout, mais pas forcément avec tout le monde. Je veux dire que je préfère rire d'Auschwitz avec un juif que de jouer au Scrabble avec Klaus Barbie. Voilà. Après la fiction consacrée au début de Pierre Desproges, Perrine Desproges, sa fille, auteur du livre avec Cécile Thomas intitulé Desproges par Desproges aux éditions de Kourou, et Yves Rioux, réalisateur et auteur du documentaire Peut-on rire de tout, diffusé ce soir sur France 3. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Wah, wah, wah, wah, wah. Wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa. Desproges l'écriveur de Charif Gattaz. Réalisation Pascal. Dai treni in corsa si sbilanciano, in canottiera ti sorridono. Petit, c'était nul. Ado, n'en parlons pas, je ressemblais à une calculatrice, à des boutons plein la gueule. Je n'étais pas promis un brillant avenir. Et d'ailleurs, l'ambition, je n'y comprends rien. Je ne sais pas ce que c'est. Je n'y crois pas. Je ne crois à rien, d'ailleurs. Ni à Dieu, ni à diable. Je ne crois à rien. En rien. Je n'ai jamais été ambitieux pour un sou, moi. En revanche, je veux bien qu'on me paye pour l'être. Alors là, c'est un peu différent. Bon, du reste, c'est ce qui s'est passé. Je n'ai rien demandé. On est venu me chercher. Presque à chaque fois, c'est de cette façon-là que les choses se sont passées, en réalité. Et à présent, il faudrait que j'aille m'exhiber devant lui, sur une scène, tous les soirs, qui plus est. Ça me fait un drôle d'effet, rien que d'y penser. Pierre ? Ça va ? Pas mal. Qu'est-ce que tu fais devant le miroir ? Je regarde la pièce sous un autre angle. Intéressant. Très. T'es réveillé depuis longtemps ? Très. Insomnie ? Très. Bon, je vois. Je vais faire du café. D'accord. Hélène, ma femme, mon amie, mon amante, mon meilleur compagnon, ma confidente. Et en plus, elle est belle. Elle a de l'humour. Et en plus, elle sait compter à ma place. Il n'y a pas à dire pour ce qui est du conjugal, je suis verni. J'espère que je ne vais pas crever trop vite pour pouvoir en profiter encore un peu. Ça serait dommage. Tu crois que je devrais ? Je crois, oui. Vraiment ? Vraiment, Pierre. Et si je me plante ? Pourquoi tu te planterais ? Je sais pas, c'est une possibilité, j'y pense, c'est normal. Tu vas pas te planter, y a aucune raison que ça arrive. Aller faire le pitre sur une scène comme ça, tous les soirs, franchement... Et pourtant, tu y songes, non ? Oui, mais... Sérieusement ? Oui. Si tu y songes sérieusement, c'est que tu en as envie quelque part. Alors, je ne sais pas, pas forcément. Admets au moins que ça te titille. Oui, je l'admets. Enfin, si je devais céder à tout ce qui me chatouille un peu l'esprit, Hélène, tu imagines le chaos, ce qui me titille, tu es drôle. Je ne sais pas si c'est très bon pour ma santé mentale, ni celle de mon entourage d'ailleurs, de prêter une trop grande attention à ce qui me titille. Alors pourquoi tu m'en parles ? Je t'en parle parce que Guy propose de me filer un coup de main et que... Constamment ? Pourquoi est-ce que tu m'en parles constamment ? C'est tout à fait faux, je ne t'en parle pas constamment. Constamment, Pierre, tout le temps. Le soir à table, le matin en te levant, et toute la journée dès qu'on se croise. Tu n'as que ça à la bouche. Dois-tu ou non monter sur une scène ? Te confronter au public, c'est quand même un pari. Une aventure, non ? Ça. Une aventure qui te fout les chocottes, apparemment. T'as les foies, hein ? Quoi, j'ai pas raison ? Bon... Un peu raison. Oui, d'accord, tu as un tout petit peu raison. Pour une fois. Ah ! C'est pas la peine de prendre tes grands airs. Ce n'est pas ce que je fais. Oui, pas la peine de te pavaner non plus, ma petite chérie. Tu as raison, certes, un tout petit peu raison, minusculement raison. Pour une fois que ça t'arrive, je comprends parfaitement que ça puisse te grimper dans les méninges. Mais gaffe quand même à pas te choper le melon, hein, c'est pas la saison, mon petit chat. Non mais, alors moi, qui ai souvent, pour ne pas dire toujours, raison, tu imagines le désastre si je ne faisais pas preuve d'un sang-froid exemplaire, hein ? Un peu de tenue, quoi. Bon, je te demande conseil, d'accord, je me confie un peu à toi. C'est juste. Je devrais sans doute pas le faire parce que toi aussi, hein, tu es comme les autres. Au fond, tu m'envies. Tu convoites ma place. Tu jalouses mon immense talent. C'est vrai. Et bien, c'est bien normal. Je te comprends. Tu es comme tout le monde, comme tous ces humoristes en panne sèche. Tu en parlant de sèche, où sont mes cigarettes ? Dans la poche de ton peignoir. Où j'en étais ? À la nullité de tes semblables. Ah oui. Mais c'est pas le sujet. Bah détrompe-toi, c'est presque toujours le sujet. Tu as commencé à écrire quelque chose ? Alors là, pas du tout. OMS1, ça veut dire quoi alors ? T'as fouiné dans mon bureau. Je n'ai pas fouiné, je suis rentrée dans ton bureau et je suis tombée sur un cahier sur lequel il est marqué OMS1. Je demande c'est quoi ce cahier ? Je suis curieuse, c'est tout. Mais si tu préfères me voir afficher une parfaite et totale indifférence, je peux, j'en suis capable, je peux le faire. One Man Show. Ce sont également les initiales de l'Organisation Mondiale de la Santé, au cas où tu n'aurais pas fait le rapprochement. Ah oui, tiens. Pour l'hypochondriaque chronique et obsessionnelle que tu es, avoue que c'est amusant. Et donc ? Et donc quoi ? Bah, maintenant que tu as fouiné en catimini et que tu m'as bassement découvert, dis-moi ce que t'en penses. Mais qu'est-ce que tu crois ? Je l'ai pas ouvert ton carnet de santé. J'attendrai patiemment que tu me fasses lire ce que tu as écrit. Tu vas me soutenir que tu n'as même pas survolé les premières pages. Parfaitement. Si tu as résisté à ce désir brûlant, je ne sais pas trop quoi penser. Peut-être que tu t'en fous. Pense ce que tu veux. J'ai des choses à faire et je dois sortir. Où vas-tu ? Hélène ? Tu vas chez ton amant ? Hein ? Si tu avais une once d'élégance, tu me préviendrais tout de même. Amuse-toi bien. Enfin seul. J'espère que vous ne regretterez pas d'être venu. Enfin, je veux dire, j'espère que vous le regretterez pas autant que je le regrette moi-même. Je veux dire que j'espère que vous je veux dire autant que je le regrette moi-même. J'aimerais mieux. Je veux dire qu'en ce qui me concerne, j'aimerais mieux être ailleurs parce que je n'ai ni envie de rire ni envie de vous faire rire. Envie de vous faire rire. Point. À l'heure où je vous parle, je sais pas si ça se voit, je m'emmerde profondément. Puis je me sens extrêmement gêné d'être ici debout comme un con devant vous, qui êtes là assis comme des cons. Ayant reçu une éducation bourgeoise discrète et feutrée, au cours de laquelle m'ont été conjointement inculqués le respect des bonnes manières et le mépris de toutes les formes de vulgarité, vous comprendrez aisément ce qu'il peut y avoir d'humiliant pour moi dans le fait de m'exhiber ainsi devant un parterre de zozos, plus ou moins rigolards, dont la plupart, si ça se trouve, ne sont même pas de mon milieu social. Voilà un début qui, sans être forcément prometteur, a au moins le mérite de ne ressembler à aucun autre. Taxi, taxi! Au théâtre du gymnase, s'il vous plaît. La musique, c'est une des seules activités de groupe qui soit supportable chez les humains. Je me souviens de cette nuit du mois de juin en Touraine. On veillait dans le jardin sous un tilleul dans lequel on avait mis des haut-parleurs pour écouter du Satie. C'était bien. C'est Gainsbourg, là. Alors lui, c'est un vrai génie. Gainsbourg, qu'est-ce qu'il fait debout à une heure aussi matinale? Ah, eh ben, il rentre chez lui. Je suis con. Oh là là, il marche pas droit, Gainsbourg. Il se barre complètement. Et puis, il ressemble à une poubelle. Le seul génie qui ressemble à une poubelle. J'espère qu'il va pas crever, lui, parce que j'aime bien ses chansons. Ah, ah, oh, bon, on me dit que... Tu sais, je pensais à un truc ce matin. Tu devrais arrêter avec les accessoires. Il y en a trop, il y en a partout, et ça sert à rien, ça t'encombre. Ça te pollue. Ça pollue non seulement toi, mais le texte aussi. Enfin, je veux dire que c'est une béquille dont tu n'as pas besoin et qui, en plus, met à jour une certaine fragilité de jeu de toi, là, debout, sur le plateau. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends. Très bien. Enfin, mais tu me fais rire. Ah, je te remercie. T'es pas le premier à me dire ça. Non, mais ce que je veux t'expliquer, c'est que toi, Guy Bedos, t'as l'habitude de la scène, hein. t'es comédien, excellent d'ailleurs, t'as du métier, tu sais comment faire, tu sais comment et quoi faire, à quel moment t'arrêter, faire une pause, à quel autre marcher, les mains dans les poches, tu as un truc instinctif, animal presque, avec le métier d'acteur, tu sens le public, la scène, l'espace, le rapport entre toi debout et lui assis, tu vois? Tandis que moi, c'est pas mon métier. Toi, quand tu es à ma place, là, tu existes, n'est-ce pas? Oui. Eh ben, pas moi. Voilà, pas de façon évidente. Moi, je n'existe que quand j'écris. Justement, c'est pour ça que nous sommes là. Et ce que je te dis, c'est que si tu dois te rattacher à une chose, une seule, tu choisis laquelle? Un accessoire ou ton texte? Je comprends. Voilà, c'est tout. Pour le moment, tu te sens pas dans ton élément, je te connais. Tu te dis, merde, qu'est-ce que je fous là, sur ce plateau, à me faire diriger par ce comte Bedos? Oui, je sais que c'est précisément ce que tu penses. Sauf que le con, c'est toi, mon vieux. Pas moi. Le con méchant, c'est toi. C'est drôle que tu dis ça, que je suis méchant, parce que en venant, là, j'étais dans un taxi, et puis le chauffeur qui m'a reconnu me regardait dans le rétro, là, comme s'il allait me faire des avances, ou l'air de dire « je sais qui tu es hein ». Mais ça reste entre nous. Alors bon, on a parlé un peu de choses et d'autres, et puis il a fini par m'avouer timidement qu'il me trouve très méchant, et que je suis un homme très méchant, plus méchant que la moyenne, de très loin. et qu'il ne comprend pas très bien comment ni pourquoi tant de méchanceté peut se trouver contenue dans un seul petit cordon. Oh, oui, il a raison, ce taxi. C'est vrai que t'es méchant. Alors, qu'est-ce que t'as répondu? Je lui dis d'aller se faire voir. Mais non. Non, non, mais bien sûr que non, mais je lui ai dit ce que je pense. Savoir. Que l'humour est forcément méchant. C'est tout? Qu'il faut différencier le comique de l'humour. Enfin, t'es pas d'accord? Ouais. Regarde. Quand un homme glisse sur une peau de banane, c'est comique. S'il meurt, c'est de l'humour. Mais qu'il est con! Enfin, tu vois que je ne suis pas méchant. Hein. Et puis, je lui ai dit que la langue était un outil, que de savoir la manier, ça permet de tuer quelqu'un sans se salir les mains. Oui, il t'a semblé convaincu. Je crois pas. Non, en revanche, il m'a dit qu'il viendrait voir mon spectacle. Bon, alors, on fait quoi? Je vire les accessoires? Ah oui, oui, oui. Je t'assure, ça va beaucoup gagner si t'es à poil. Un écrivain monte sur scène pour vous dire ses textes à haute voix, c'est ça l'idée. Peu importe que tu te sentes comédien ou pas, c'est pas ça que le public attend des proches. Tu dis toi-même que ton truc, c'est la langue. C'est assembler des mots, que les mots suffisent à faire mouche ou à tuer, comme tu veux. Alors, vas-y vraiment. Assume ce que tu penses jusque devant le public. Va au bout de cette idée. Le reste viendra naturellement avec les représentations. Je vais essayer. Bon, on y retourne. Quelle heure il est? 16h. 16h? Merde! Non, je suis désolé, mais il faut que je m'en aille. Mais où? J'enregistre l'émission de Sabatier, voilà. Quoi? Toi, tu vas participer à cette merde immonde? Eh ouais, mon vieux, moi, Bedos. Mais pourquoi? Tu peux pas aller poser ton cul dans l'émission de Sabatier. Enfin, en face de Sabatier. Enfin, Guy, ce type est une ordure finie. Son émission, ce qui se fait de pire. C'est un type dangereux, tu sais. Oh, oh, oh, oh, doucement, l'hystérique caractérielle. Ça me fait pas plaisir d'aller perdre 3 heures chez Sabatier, d'autant que je joue ce soir, moi. Bon, alors pourquoi t'y vas? Parce que je suis engagé, et pas toi. Je ne vois pas le rapport. Le rapport, c'est que toi, tu te fous de tout, de tout le monde, que tu es un sale égoïste, un individualiste radical, que tu détestes tout, les groupes, la droite, la gauche, le rock, les yéyés, les jeunes, les vieux, tout. Exact. Mais tu réponds pas à ma question. Eh bien, je suis tout le contraire. Je pense tout comme toi, mais j'aime les gens. J'aime les jeunes, même si je les trouve bêtes. J'aime le foot. Même si c'est une réunion de débiles en short. Je suis égoïste, mais pas individualiste. Danser le rock m'a souvent aidé à serrer des pouliches sans avoir besoin de leur causer. Et je suis engagé de gauche. Et que par conséquent, je veux que la droite puisse s'exprimer, même si je pense que tout homme assez facho pour voter à droite est un crétin. Voilà. Travaille bien. Allez, à demain. Pierre. Quoi? La vérité vraie, c'est que je n'ai pas envie d'y aller. Mais Delon y a été, lui. Et il a dit que des horreurs. Alors j'y vais parce que c'est comme un devoir de faire contrepoids. Je comprends. Salut. Salut. Non, en fait, je comprends pas. Mais c'est pas grave. Moi, personnellement, je ne m'engage pas, je me dégage. Oui, voilà, c'est ça. Je suis un type dégagé, mon petit Guy. Un artisan de la langue, dégagé. Droite et gauche, je les hais toutes les deux. Entre peste et choléra, je ne choisis pas. J'ai l'impression que quand les individus se multiplient en nombre, leurs intelligences se divisent inversement proportionnellement. C'est ce que j'ai toujours ressenti. T'es sûr de ça? Je ne participe jamais à une manif, même si on manifestait pour la survie de mes enfants. Je dirais pas. T'as jamais été dans une manif? Ah non, ça, alors là, je n'ai jamais de ta vie. Ah non, jamais. Sûr? Oh, oui. Une pétition? Signer une pétition? Non, moi. Jamais. Non? Non, non, jamais. Je préfère crever, tiens. Quelle horreur. Bedos, ce qu'il oublie, c'est que lui, en plus du métier, il a une sacrée voix. Un sacré timbre. Pas moi. Lui et Coluche, ils ont des voix. Ça protège d'avoir une voix. Je suis jaloux, tiens. Ah mince, alors. Jaloux de Guy Bedos. Là, d'un coup, c'est inquiétant. Je dois me surveiller. Je suis en train de vouloir ressembler à un autre. Avec une autre tête, un autre corps, une autre voix. Mais il est sympa, ce mec-là. Il n'a pas besoin de m'aider. Il a autre chose à faire. Mais il se donne du mal. Il m'encourage à faire quelque chose qu'au fond, je ne veux pas vraiment faire. Est-ce que je le veux vraiment monter sur scène et dire à haute voix des textes que j'ai écrits? En même temps, si ça se trouve, je n'aurai pas le temps de finir la répétition. Je vais m'effondrer avant. Ou alors, pire que ça, je vais baisser progressivement, devenir un légume, m'éteindre dans d'atroces souffrances. Nous sommes présents, mais nous ne souhaitons répondre sous aucun prétexte. Hélène, t'es là? T'es pas là, donc? Pierre? Ah si, t'es là. Oui, on est dans le jardin avec les enfants. On s'amuse bien. Et toi, t'es en répétition? Guy a dû partir plus tôt pour enregistrer l'émission de Sabatier, figure-toi. Sabatier? Quelle horreur. Content de te l'entendre dire. Toi, tu n'iras jamais. Tu peux en être sûre? Certaine? Absolument certaine. Tu rentres? Je voulais simplement entendre le son de ta voix. C'est gentil, ça. Je marchais dans la rue et soudain, j'ai pensé que j'avais de la chance de te connaître, de vous connaître, toi et les filles. Tu ne dis rien? Ça va comme tu veux, Pierre. Remarque, vous aussi, vous avez de la chance de me connaître. Bon, Pierre, j'ai un ragoût qui mijote, les enfants dehors. Je vais le faire. C'est décidé? Ouais, je vais le faire. J'en étais sûre, Guy t'a convaincu. C'est formidable. Allez, rentre vite. On débouchera une bouteille de Figeac. À tout à l'heure. Oui, je peux vous dire que celui-là, c'est mon copain. Il faut pas l'abîmer. Oui, oui. Parce qu'il a fait pour moi quelque chose qui est assez rare. J'ai horreur du copinage. Et qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il m'a donné tout son temps, tout son talent, toute son intelligence pour m'aider. Pour m'aider à faire ce one-man show que j'aurais jamais fait, j'aurais jamais osé. Je trouvais complètement outrecuidant d'aller pérorer pendant une heure et demie, même plus, sur une scène. Ouais. Et c'est lui qui m'a dit, la première chose qu'il a faite, c'est qu'il a rigolé. Et que quand Monsieur Bedos rigole de quelqu'un sur une scène, on peut penser, sans être outrageusement prétentieux, qu'on est peut-être un petit peu rigolo quelque part. C'est pas parce que je me suis décidé que j'ai plus la frousse. Je sais, ça se voit. J'avais passé mon temps à dégueuler de trac, tu parles d'un projet. Tu sais que Brel vomissait tous les soirs. Ben moi, ça sera tous les matins parce que j'aime pas copier les autres. Et tes textes, t'en es où? Ça commence à être plus ou moins satisfaisant. Pour 10 heures de labeur ludique, je récolte seulement quelques lignes qui serviront. Alors trinquons à ça. À quoi? À mon labeur? Non, à cette aventure au théâtre. Va bien falloir lui trouver une chute à ce fichu spectacle. Je vais dire, allez, au revoir les oiseaux, à la revoyure, c'était bien, c'était chouette, on a failli crever d'ennui. Qu'est-ce que je pourrais bien leur dire avant de les quitter? Et si je leur disais que c'est l'heure, parce que ça fait 1h30 et 1h30, dis donc, c'est long? Ou alors je pourrais faire un résumé. Ça me semble être une bonne fin. Après tout, au regard des pages écrites dans ce cahier, il semble de plus en plus évident que je suis un cas désespéré. En tout cas, c'est ainsi que la postérité va m'étiqueter. Un enragé, haineux, hargneux, hystérique, critique acerbe, colérique, méchant ou très méchant selon les sensibilités de chacun, un être qui n'aime pas ses semblables, qui les honnit même carrément, bref, c'est pas joli joli tout ça. Alors en gros d'abord, on peut dire que ce spectacle est un cri de haine désespéré où perce néanmoins une certaine tendresse. Je sais qu'il y a des journalistes dans la salle, je leur signale que tendresse c'est avec 2 S. Au début du spectacle, l'auteur-interprète, c'est moi, hein. Au début du spectacle, l'auteur-interprète se demande ce qu'il fout là. Hein? Faut rappeler ça. Le public aussi. Et nous noterons au passage qu'une telle communion de pensée entre l'artiste et son public est rarement atteinte au théâtre, où la plupart du temps, le public est le seul à s'emmerder. Pourtant... Ouais, pourtant, moi, ce que j'aurais voulu, au fond, se résume en très peu de mots. En tirant sur tout le monde, même sur les ambulances, je ne fais que mon travail, c'est pourquoi je suis fait. Et ce que je sais faire de mieux écrire, faire rire ou hurler de rire en désinguant tout ce qui me paraît digne de l'être, suis-je haineux? Non, je ne crois pas. Ou alors si peu. Hargneux? De faible intensité, alors. En colère? Évidemment. L'inverse serait inquiétant, vous ne trouvez pas? Remarquez votre avis, je m'en tamponne complètement. Non, moi je trouve que de ce premier spectacle perce une certaine tendresse. Ouais, je dézingue, oui, je flingue, c'est vrai, mais la tendresse est là, au loin d'abord, qui pointe le bout de son museau, puis tout doucement se rapproche, pas à pas, vers nous, jusqu'à nous étreindre, pas totalement, faut pas charrier, mais au moins nous envelopper un petit peu. Bon, voyons voir ce que je garde et ce que je fous à la poubelle. Dites donc, c'est pas tout, mais faut y aller. Ça fait plus d'une heure et demie que je supporte vos conneries. Bon, bah dites donc. Comme disait Jean-Paul Sartre en sortant du lit d'Elsa Triolet, il va peut-être falloir commencer à penser à y aller. C'est pas que je m'ennuie, mais il est tard. En sortant du lit, moi je dirais plutôt, comme Elsa Triolet sortant du lit d'Aragon, mais il est tard. C'est pas qu'il est tard, mais je m'ennuie. Moi je dirais plutôt comme Elsa Triolet sortant du lit d'Aragon, c'est pas qu'il est tard, mais je m'emmerde. Bien. Avant de quitter cette scène de théâtre, qui est mon lieu de travail, et où, grâce à votre chaleur et à votre amitié, j'ai la chance de pouvoir gagner ma vie honorablement, je voudrais simplement que nous ayons une pensée, une courte pensée, pour ceux de mes camarades du spectacle. Je vous en prie. Je ne vous demande pas une minute de silence, je vous demande simplement une courte pensée pour ceux de mes camarades du spectacle qui n'ont actuellement aucun travail, sous prétexte qu'ils n'ont aucun talent. Merci beaucoup. C'était Desproges l'écriveur de Sharif Gattaz, avec Cyril Couton, Pierre Desproges, Pauline Ziadé, Hélène Desproges, Pierre-Jean Pagès, Guy Bedos et la voix de Julie Pouillon. Bruitage, Elodie Fiat. Prise de son, montage et mixage, Julien Douminc, Bastien Varigou. Assistante à la réalisation, Léa Racine. Réalisation, Pascal Deux. On danse, le corps on le balance, on se touche, on s'embrasse la bouche, tiens même, v'là qu'on se dit qu'on s'aime, mais c'est que de la crème, de la pomme à de rose, pour cacher les choses. Petit plaisir pour pas tout seul dormir. Tu vois pas qu'on s'aime pas. Tu vois pas qu'on s'aime pas. On s'aime pas. Alors là t'es seul. Ça te pique dans ton œil. T'as envie de parler, de faire kili kili. Mais bonne, t'es là pour personne. Et c'est tout le monde pareil. Retourne dans ta piôle. Même si tu miaules, le monde s'en fout. Le monde s'en fout. Tu vois pas qu'on s'aime pas. Tu vois pas qu'on s'aime pas. On s'aime pas. Fil, fil, mur. T'as pas vu le fil dur. Marqué, privé. Ici c'est chez nous. Pas pour. À tout le monde chez nous, c'est du sale mélange. attention aux autres. Attention aux autres. Tu vois pas qu'on s'aime pas. Tu vois pas qu'on s'aime pas. On s'aime pas. Pam. Y'a la guerre tout le temps. On fait le civil. On s'envoie les missiles. On se refait le coup du calumet de la paix. Mais c'est du cirage de la gomina pour cacher le cracra. Et zoom zoom télé, toutes ces belles photos saignées. Tu vois pas qu'on s'aime pas. T'aimes pas. Tu vois pas qu'on s'aime pas. Tu vois pas qu'on s'aime pas. On s'aime pas. France Inter. Affaires sensibles. On s'aime pas. La fiction. Je me méfie d'avoir un faux public. Mais cela dit, je crois pas que je sois élitiste. Je suis même assez content dans certaines villes de province quand je vois au premier rang des fermières affichues avec un canard dans le cabas. Qui fonctionne à mes trucs. J'aime bien ça. Et elles se sont déplacées pour vous, alors elles sont là, ou elles sont non, elles sont trompées. Ah oui, elles sont trompées, mais ça marche quand même, quelquefois. Quand vous dites « j'aime beaucoup l'humanité », vous étiez malade ce jour-là ? Oui, docteur, je ne vais pas mieux. Est-ce que vous êtes un maniaque ou non ? Oui, je suis maniaque. Dans les hôtels, avant que les femmes de ménage arrivent, je dérangeais un peu pour qu'elles ne me croient pas fou. Parce que tout chez moi est parallèle ou perpendiculaire. C'est une vraie maladie mentale. La mort, le vieillissement, ça vous obsède ? Tout le temps. Je suis complètement noir et pessimiste et je vois tout mal. Je subis très mal ce printemps pourri parce que c'est un printemps que je ne verrai plus jamais. Même si j'en vois 10 autres, ceux qui à mes métastases ne plaisent. D'ailleurs, je ne verrai plus jamais celui-là. Je suis complètement un type noir. Est-ce que ça vous ennuierait, pour reprendre votre expression, d'être considéré après uniquement comme un pitre ? Oui, ça ne me plairait pas. Voilà. Honnêtement, je n'aimerais pas être pris que pour un pitre. Je suis aussi un rigolo. Je veux faire mon chancel, parce que vous en parlez là. Accepteriez-vous de rencontrer Dieu ? Ah ben écoutez, je le cherche. Je passe ma vie à le chercher et à ne pas le trouver. Je lui en veux énormément. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui Desproges, l'écriveur. Nos invités, Perrine Desproges, sa fille, auteur du livre Desproges par Desproges, et Yves Rioux, réalisateur et auteur du documentaire Peut-on rire de tout, diffusé ce soir sur France 3. Bonjour Perrine Desproges. Bonjour. Bonjour Yves Rioux. Bonjour. Merci à tous les deux d'être avec nous. Perrine, vous êtes la fille de Pierre Desproges. Vous avez édité le livre intitulé Desproges par Desproges aux éditions du Courroux. Et vous, Yves Rioux, vous êtes acteur et réalisateur, auteur de nombreux documentaires avec votre complice Philippe Pouchin, documentaire diffusé sur France Télévisions et Arte. Et vous avez réalisé le film qui sera diffusé ce soir sur France 3 et qui est intitulé Peut-on rire de tout ? Eh bien, je vais vous poser tout simplement la question. Yves Rioux, peut-on rire de tout ? C'est une question que Pierre Desproges avait mis en exergue. C'est la bonne formule, à savoir qu'on se la posera toujours. On n'arrivera jamais à répondre à cette question, et c'est plutôt sain, parce que à chaque fois, chaque époque voit de nouveaux humoristes, voit le progrès, voit l'humanité changer, qui ne change pas en même temps. Donc c'est sans arrêt remis sur le bio, je dirais. Donc c'est ça qui est intéressant. Et j'ai fait aussi ce documentaire parce que tous les 10 ans, je fêtais l'anniversaire de la disparition de ce cher Pierre, que j'ai bien connu. Et j'ai connu cette petite Perrine, mais qui tétinait encore, hein, que son père adorait. Et j'étais assez d'accord avec cette remarque. Il ne pourrait plus dire ça aujourd'hui. Donc je voulais avoir le cœur net en allant fouiller chez les humoristes d'aujourd'hui pour voir s'il y en avait qui prenaient des risques ou qui étaient des poltrons, qui avaient la même verve que lui. Évidemment, ce n'est pas la même verve. Évidemment, je dirais qu'ils ont moins de mots, mais il y a tout autant de provocations, de quêtes comme ça, de faire rire, de créativité. Il y a dans ce pays quand même quelque chose qu'on ne doit pas oublier, c'est ce putain de quand même de... Il y a un sens de l'humour français, comme on dit, il y a un sens de l'humour anglais. Moi, je dis que Desproges, c'est un des plus beaux fleurons. Et je le dis comme je le pense, du comique français. C'est pas du comique, il se remit en boule, si je veux dire, de l'humour français. Bien, c'est ça. Périne Desproges. Oui. Alors, même question, peut-on rire de tout? Alors, je vais peut-être être plus rapide et moins élaboré. Oui, s'il vous plaît. Non, c'était bien, on a bien aimé, mais enfin on est en radio, donc il est bien faire un peu plus court, ça m'arrangerait. Ben, moi c'est assez simple, peut-on, ça, je crois que ça dépend vraiment de chacun, mais ça fait du bien de rire de tout. Et c'est vrai que j'ai peut-être été mal élevé, mais plus c'est noir, plus je trouve ça drôle. Et quand il dit on rit de bon cœur que dans les cimetières, ça nous est arrivé souvent en Rio. Alors maintenant, attendez, je vais vous poser une autre question. Je vais vous poser la question, peut-on rire de tout? Maintenant, je vais vous poser la question, Périne Desproges, et Yves Rioux après, vous y passerez également. Doit-on rire de tout? C'est différent, hein? Bah, de toute façon, à partir du moment où c'est une injonction, moi j'ai envie de partir, mais je vais vous laisser. Et là, le côté rebelle de Saber. Oui. Et le côté intransigeant de son père. Bon, je suis tout à fait charmante, donc c'est ça. On a tout eu. On a Tétine, Périne, voilà. Voilà. Maintenant, bon, ben je vous pose la question, Yves Rioux. Doit-on rire de tout? Ce serait un. Oui, on doit essayer de rire de tout. On ne doit pas rire de tout, mais parce que forcément. Des fois, ça peut être. Des fois, il y a des types d'humour qui peuvent vous mettre mal à l'aise, qui peuvent vous faire souffrir. Et puis, il y en a d'autres. C'est une ouverture au monde. Moi, je suis très, comment dire, je suis un curé de l'humour. C'est-à-dire, je crois énormément à ce que c'est le meilleur moyen que des gens rentrent en contact. C'est comme ça. Et ce que j'ai voulu aussi montrer dans ce documentaire, c'est que par le rire, on peut dépasser beaucoup de choses. Les tensions ethniques, les tensions raciales, les tensions sexuelles, toutes sortes de tensions qui nous emmerdent la vie avec des gens qui nous font la morale constamment. Eh ben, je leur fous un coup de pied au cul et je dis, tentons de nous amuser les uns avec les autres et pas les uns contre les autres. Pierre Desproges. Votre père, donc, pour le moins, vous l'avez bien connu, vous l'avez regardé travailler. Comment ça se passait? Est-ce que vous avez réussi à entrer dans le secret de sa création? Parce que c'est un travail d'artiste. J'étais un petit peu petite quand même. J'avais 11 ans. Donc on a la perception de... Non, parce que les parents vraiment s'attelaient à nous montrer, comme ils travaillaient tous les deux à la maison, ils avaient quand même vraiment besoin qu'on comprenne que c'était du boulot. Et que pendant que nous, on était à l'école, ils foutaient quand même quelque chose. Et les moments où notre père était dans son bureau, c'était des moments extrêmement studieux où il fallait absolument respecter. Il était beaucoup moins drôle à ces moments-là. C'était plus tendu. Et c'est vrai que moi, j'avais le droit d'aller dessiner dans son bureau parce que j'étais sage à l'époque, tu vois. Et je mouffetais pas et j'adorais ce moment. Studieux, voilà. Je me rendais pas forcément compte des énormités qu'il disait. Je savais qu'il était un peu différent du monde autour de moi, c'était un garçon particulier, plein de charisme, mais voilà. Après, c'est des perceptions d'enfant, quoi. Bien sûr. Alors après, avec le recul, d'où vient son goût pour la provocation? Est-ce que vous pouvez l'expliquer? Maintenant, je vous pose la même question, Evry. Moi, je l'explique pas. Mais je pense qu'il est né avec. Je pense, ça lui est parfaitement naturel. Je pense que c'est son moyen de défense contre effectivement ce qu'on entendait tout à l'heure, l'horreur de la réalité de la vie, qui la première étant, on aime et il va falloir mourir. Alors déjà cette espèce d'absurdité là, il s'en débattait au quotidien, mais minute après minute. Donc il y a un vrai refus de tout ça et justement le rire et la provocation étaient un moyen de c'est la phrase de Brecht que vous citiez en oui. Début d'émission. Vriou, même question. Moi je crois que l'humour de Pierre Desproges vient de ta grand-mère, chère Périne. Tu es Ah, ouais, voilà, c'est la mère, encore une fois, qui est au centre, n'est-ce pas? C'était quelque chose, là. Oui. Pourquoi? Non, mais pourquoi? Parce que c'est... en lisant les lettres, que parce que Pierre a été au Laos une année parce qu'il travaillait mal, et son père, qui était... Prof de maths, voilà, l'a emmené avec lui pour... Donc, il y a une correspondance avec sa mère, et c'est formidable. Déjà, il est là, et on sent une complicité contre le père, d'ailleurs. La cible, c'est le père, professeur, ton grand-père C'était un bon grand-père, mais il y avait un côté rigide, ouais. C'est quand il dit à mon père, quand il a, je sais pas, 25 ans, et que c'est un peu un train de savate, et qu'il s'amuse plus qu'il ne bosse, il lui dit, mon fils, t'es un fantaisiste, tu deviendras fonctionnaire. Et ça l'avait totalement révolté, justement. T'es dégueulasse de traiter ton père de train de savate. Bon, je vais aller faire un tour, moi je vais pas vous déranger plus longtemps. Il est pas là, il peut pas répondre. Elle raconte la merveilleuse anecdote que racontait Hélène quand elle l'a connu au début avec ce qu'il y avait dans les tasses à café. Allez-y, Périne, répondez aux journalistes qui posent la question. Là. Non, oui, maman était assez... elle trouvait que le matin dans la maison de famille de vacances, il prenait beaucoup de café jusqu'à midi. Il prenait un café, deux cafés, dix cafés, jusqu'au jour où elle s'est rendue compte que c'était du vin rouge qu'il mettait dedans. Bon, tiens, à propos de café, moi je vais aller en prendre un. Je vous laisse le studio tranquillement, vous allez continuer à discuter entre vous, et puis on se retrouve dans 3 minutes après avoir écouté un disque. Exister, ça tombe dessus, comme un grain un soir d'automne. Exister n'est pas un dû, on arrive comme un intrus. La veille, il n'y avait personne. Exister n'est pas un dû, ça demande un camion grue, tellement parfois ça pèse des tonnes. Exister, quel sport de rue, sur ses pas du badminton. Exister, on est prévenu, fabrique des champions déchus, des jeunes qui ramassent leur couronne. Exister, on est prévenu, un beau jour on n'en peut plus, mais malgré tout on s'y cramponne. Bien, Hériot, Périne Desproges, on continue à parler de Pierre Desproges. Oh, je vais me permettre, tiens, d'entrer chez vous. Faites une petite visite guidée de l'appartement, ou de la maison, c'est quoi, un appartement ou une maison? C'était une maison, on a grandi dans des maisons. Il y a une pièce marrante. Ouais, en dehors effectivement du côté maniaque de mon père que ma mère et moi n'étions surtout pas, il y avait les toilettes qui sont effectivement une illustration de son amour de la langue française, et il écrit en fait partout, dont dans les toilettes, c'est-à-dire qu'il avait ses propres graffitis avec effectivement soit des citations d'autres, il y avait du Bedos, il y avait des détournements de Montesquieu, il y avait pas mal de choses. Le détournement que je préfère, évidemment, et que je comprenais du haut de mes 8 ans, c'était sur la cuvette des chiottes. On a souvent besoin, entre parenthèses, la fontaine. Mon père détestait la fontaine, et moi aussi par ailleurs. Bon, son écriture, Évriou, comment vous l'analysez? Bah, elle est là, elle est dans les water, ça sortait comme ça, c'était difficile à sortir des fois, mais ce goût... des mots, ben ça c'est une passion qui remonte à très loin, hein, Périne, je pense que... Ben on le voit déjà dans ses lettres, effectivement, à sa mère dont tu parlais, à 15 ans ou même à 12 ans, il lui dit, mais préviens-moi si je fais des fautes d'orthographe dans mes lettres, et puis on sent, il y a des moments aussi où il lui écrit presque phonétiquement, il s'amuse avec la langue, avec les mots, mais c'est créatif à chaque fois. Quel rapport il entretenait avec cette maison-là, dans laquelle vous vous exprimez, qui s'appelle France Inter? Parce qu'il est tellement, lié à France Inter, il fait partie de la culture. Il y a des grands noms, des grandes voix qui racontent l'histoire de France Inter. Bien sûr. Pierre Desproges en fait partie. Ben c'est très important, France Inter, mais comme toute chose, c'était effectivement un garçon sans nuance. Donc il y a à la fois de la passion, et il y a de la passion dans la passion, il y a c'est pâtir, hein, ça vient du latin pâtir ou un truc comme ça. Il y a de la souffrance. Oui, j'ai fait du latin, monsieur. Il y a de ça, parce que le procureur... Dans le tribunal, des proches s'épanouissent complètement, alors qu'il a la trouille au départ, il ne veut pas y aller comme Villers lui propose. Mais c'est vraiment là où je trouve qu'il s'épanouit, parce qu'avant, c'est le petit rapporteur, c'est 4 saisons, 30 millions d'amis, c'est un peu d'Olympia. Et là, tout d'un coup, il s'épanouit. Après, évidemment, il y a des moments plus compliqués où il avait besoin de garder en permanence la main sur son travail. Donc, il y a eu des petits moments de tension à ce niveau-là. Donc, il se barre en 83, je crois, un peu violemment. Mais il revient en 86 avec les Chroniques de la haine ordinaire. Et donc, voilà, il y a une espèce d'amour. À la fois, il y a de l'amour, il y a des moments de coups de gueule. Mais les coups de gueule avec mon père ne duraient pas forcément longtemps. C'était assez rare quand ça durait longtemps. Chroniques de la haine ordinaire, ça lui ressemble bien, ça, Evrio. C'est sûr que il aimait tellement jouer sur les paradoxes, tellement jouer sur la complexité de l'âme humaine, parce que lui aussi était très complexe, mais ce que je retiens surtout de lui, c'était que c'était un détecteur absolument magnifique d'hypocrisie humaine. Il la ressentait. Mmh. Quelqu'un qui était un peu de... Ça, d'ailleurs, il foutait la trouille aux journalistes. Beaucoup, il y avait une espèce de... Personne n'attaquait des proches. Parce que tout le monde avait peur du contre-feu. Hein. Parce qu'il avait là, c'est vrai que souvent il dit, il y a rien tel qu'un mot pour faire mal comme ça. Il était champion du monde pour lancer une. Ça lui était totalement naturel, cette répartie. Avec derrière ça, il y avait un homme d'une générosité absolue qui ne, il haïssait les Restos du Cœur, toute cette démonstration. De bienfaisance, etc. Il trouvait ça répugnant. Mais lui, il s'occupait de gens comme ça, qui étaient dans le besoin, mais niet, personne ne le savait, rien du tout. Périne Desproges, allez, le sketch, votre sketch, votre petit préféré, c'est dur ça. Hein ouais, c'est très très dur. Je pose des questions difficiles à la fin. Ouais, là vous êtes dur avec nous, mais j'avoue. Je vais parler du sketch des Juifs, parce que je trouve que c'est une prouesse, un jeu d'équilibrisme qui est magnifique. Il n'y a que les cons qui existent vachement aujourd'hui, qui sont capables de le citer. J'en ai encore attrapé un l'autre jour sur Twitter. Donc un vrai antisémite qui le cite au premier degré. Voilà. Coluche avait connu ce problème là aussi, hein, quand il dénonçait les racistes et que beaucoup ont pris au premier degré. Bon. C'est bien pour ça qu'on peut pas rire avec tout le monde. Bah oui. Bon, et ça quand même. Ça, franchement, avec Thierry Leluron, c'était quand même magnifique. C'est du comique de clown, ça, pour le coup. Oui, il y a une part de clown. Mais après, moi, alors ça, je chéris énormément cet aspect-là chez lui, c'est le goût du bide. Et c'est vrai que je revoyais encore un extrait, une de ses premières apparitions en télé, quand Thierry Leluron, qu'il soutient en 76, il chante « À Bobo Bébé ». C'est une chanson que papa a écrite, qui est totalement débile. Il le chante avec à bobo bébé, bobo cucu le bébé, bobo cucu le bébé. Enfin, c'est très très poussé. Et il chante ça devant une des rares chaînes de télévision de l'époque, parce qu'il devait y en avoir 3, je crois, ou je sais plus. Et j'aime beaucoup ce côté-là. On lui donne la possibilité d'être dans la lumière et il essaye d'être le plus mauvais possible. Et il y a une jouissance là-dedans. Bien, quel rapport il entretenait avec les autres humoristes de son temps? Alors, vous avez répondu concernant Thierry Leluron, avec Coluche, avec les autres. Comment il était? Quel rapport? Oh là là. Ah, voilà une bonne question. Oh là là. Dites pas encore, c'est une question infernale, vous n'allez pas répondre. Hein. Il y a un moment, vous n'allez pas vous défiler. Avec Bedos, il y a eu une réelle complicité à un moment. Et puis bien vite, Bedos l'a agacé quand même, parce que notamment, je me rappelle, ils avaient fait une partie de Trivial Pursuit. Évidemment, Pierre avait gagné. Pourquoi évidemment? Parce que disons qu'il avait eu plus de lecture. Voilà. Ouais. Donc ils se sont fâchés. Ils se sont réellement fâchés autour de ce jeu de Trivial Pursuit. Et puis, Bedos a dit à un moment, bon, c'est con quand même, allez, le producteur a fait le go-between entre les deux, puis bon, il a fait un petit mot à Pierre, et puis quand Pierre l'a reçu, il a dit, non, je le lis pas, c'est Dabadi qui a dû lui faire. Comme quoi, chez les humoristes, comme chez tout le monde, les cordonniers sont parfois les plus mal chaussés, parce que finalement, on dit que l'humour met le drame à distance, et là, on dramatise pour une partie de Scrabble. Bon, ben voilà, ils n'en sont qu'humains, après tout. Hein. Ah bah oui. C'est aussi pour ça qu'on les aime. Quelle est l'ambition de ce livre, Périne Desproges? Il y en a plusieurs, mais notamment mettre en lumière des archives que j'ai découvertes après le décès de ma mère, qui, moi, m'ont ou touché, ou fait marrer, raconter une histoire, confirmer le personnage qu'on partage avec Ryu, dont ma mère nous a beaucoup parlé. Et puis, il n'y a personne de mieux que lui pour se raconter. Et dans ses archives, il se raconte. Donc, c'est une forme de biographie, c'est aussi d'autobiographie faite par un mort, c'est quand même pas mal. Et c'est une façon de le redécouvrir, de le sortir aussi des carcans dans lesquels, au bout de 30 ans, forcément, on l'enferme un petit peu. Tu as parlé d'autobiographie, mais enfin, c'est comme ça, c'est ça qu'il a écrit, donc c'est 100% ce livre. C'est 100%. Hein, c'est un livre admirable. Et vous, l'ambition de votre film, Yves Rioux? Je n'ai aucune ambition. J'en étais sûr. Bon, non. Bah tant pis. C'est non, mais l'ambition de ce livre, c'est pas le vôtre. Oui, mais c'est pas le mien, mais justement. Non, touchant parce que Rioux était là, a toujours été là, durant le vivant des deux parents, puis que de maman, et finalement, une fois qu'elle n'était plus là, t'as été là. Et donc j'ai vu ces années où Périne tournait, ramait, se penchait sur, était très ému, mais rejetait en même temps. C'est compliqué d'écrire un livre sur son père, sa mère, et tout d'un coup de donner ça. Mais sans... moi, j'ai été bouleversé quand j'ai lu ce livre. Il faut dire, il y a une iconographie également extrêmement belle. Et voilà, et je vais revenir quand même à mon ambition. Quand même, c'est le documentaire qui passe ce soir que je me répète, mais par l'humour, nom de Dieu, qu'est-ce qu'on peut se marrer et qu'est-ce qu'on peut balancer les clichés et se rapprocher les uns des autres. Voilà. Bien, alors, donc votre documentaire est diffusé ce soir sur France 3. Le documentaire Une plume dans le culte, réalisé par Christophe Ducharron, coécrit avec Cécile Thomas et... vous ? Encore une fois, oui. Alors, ça sera Périne Desproges sur France 5 le dimanche 15 avril ouais. À 9h25. Juste avant la messe. Ouais, c'est un peu un horaire SNCF, ça. Et puis, une soirée Périne Desproges aura lieu le 18 avril au studio 104 de France Inter avec la création d'un cabaret en public autour des chansons de jeunesse et autres textes de Périne Desproges. Et puis, France Inter va lui rendre hommage avec d'autres manifestations. Mais hommage avec autodérision. Voilà. Parce que... mais avec, oui, c'est vrai, hommage, c'est vrai que ça colle pas trop avec Périne Desproges. C'est anti-Desproges. Qu'est-ce qu'on va dire? Souvenir ouais, on t'aime, on t'a pas oublié, quoi. Non, là, ce qu'on n'a pas dit, c'est vraiment que Desproges, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il devient intemporel. Là. 10 ans après, moi je me suis dit, putain, mais il est encore là, la nouvelle génération le lit. 20 ans, une nouvelle génération le découvre. 30 ans, une autre. Là. C'est ça qui est sublime, parce que c'est son comme vous disiez, c'est le texte d'abord, mais c'est aussi le clown, par l'image et par le texte, parce que c'était un grand clown et un grand écriveur, comme il disait. Bien, Yves Rioux, on peut arrêter l'émission là? Ça vous va comme ça? Non, je continue. Je viens à France Inter une fois par an, on m'invite pas assez. Donc je vais rester à l'antenne pendant 24 heures, mais il n'y aura plus d'antenne, c'est parfait. Je t'emmène au bistrot. Bon. Écoutez, moi je vous salue. Périne Desproges, merci. Yves Rioux, infiniment merci pour vos éclairages et puis pour cette bonne humeur. Au revoir. Merci à vous. C'était Affaires Sensibles, la fiction, aujourd'hui Desproges, l'écriveur. Une fiction écrite par Charif Gattaz, réalisée par Pascal Beu et Al Nioro. Émission proposée par Christophe Barrère, assistée de Valérie Priollet. Programmation musicale Muriel Pérez. À la technique aujourd'hui, Kevin Pelot et Basile Bocquer.